victorieuse de The Voice 7, c'était Maël à l'instant avec toutes les machines dans ton cœur. Et puis un an après sa victoire dans The Voice, Maël annonce la sortie de son premier album pour le 20 septembre 2019. Un disque entièrement composé, réalisé par Calogero. Autant vous dire la qualité, avec des textes signés Zazie. Entre autres, Zazie lui a écrit donc ce fameux titre « Toutes les machines ont un cœur » que vous venez d'écouter il y a quelques secondes sur Maxi France. La suite avec le titre, le Maxi 45 Tours. Le Maxi 45 Tours, oui, avec les années 80. C'est Gold qui arrive tout de suite plus près des étoiles. Maxi France, deux fois plus de souvenirs, deux fois plus de nostalgie, deux fois plus de version Maxi.